Le joli mois de mai. Quand il revoit ses amis le lundi suivant à la séance AA de prix, Vincent leur avoue qu'il a passé un dimanche pénible. Il en a bavé, surtout la nuit. Ses muscles ont très mal réagi. Il était tétanisé, avec des maux de tête épouvantables. Il a cru crever. Faustine regrette qu'il ne soit pas venu les voir. Ils auraient sûrement pu l'encourager et l'aider. Ils le plaignent abondamment et se réjouissent qu'il aille mieux. Ils se sentent impuissants de n'avoir rien pu faire. Mais il est vrai que ces choses-là ne peuvent se vivre que seuls. Désormais, semble-t-il, le jeune homme est tiré d'affaire. Il a échappé au délirium et à la cirrhose. Il n'a plus qu'à terminer son apprentissage tranquillement, passer ses examens et chercher du travail pour le mois de juillet. Vincent a raconté succinctement à Gilles et à Faustine qu'après avoir travaillé pendant plus de 13 ans dans l'éducation spécialisée, il a eu besoin de se rapprocher de la nature. D'où cet apprentissage entrepris à une époque de sa vie où partait à volo son second mariage, sa première paternité et tout le reste. Il a bu pour oublier et ce n'est que lorsqu'il a été tenté de jeter sa voiture contre un arbre qu'il a compris. Pulsion de survie qu'il devait réagir. Vers la fin du mois, ceux qui l'entourent attendent avec anxiété les résultats des examens. Ce serait un miracle qu'il soit reçu, dit-il parfois, car ses patrons l'ont rarement laissé participer aux cours. De plus, le soir, il était bien trop épuisé pour ouvrir un bouquin, et on ne parle même pas de son alcoolisme. Or, sacré Vincent! Non seulement il a passé haut la main, mais en plus il se paye le luxe d'être le premier apprenti du canton dans son domaine. Il reçoit un prix substantiel pour cela. Faut-il qu'il soit une tête? Non, dira-t-il, quand on est passionné par un sujet, il est facile de l'intégrer. D'ailleurs, il doit beaucoup à son maître d'apprentissage qui lui a tout transmis et même offert son propre greffoir. Cela dit, Vincent trouve que son succès est injuste vis-à-vis des autres apprentis. Il a l'impression de les avoir spoliés, eux qui ont souvent entrepris ses études contraints et forcés, sans véritable engouement. Néanmoins, au vu de sa situation financière extrêmement précaire, il est reconnaissant de pouvoir régler une ou deux factures en souffrance grâce à son prix. Faustine travaille en continu pendant tout le mois de mai. Gilles, persuadé que cela va durer toujours, se met dans la tête qu'il pourra s'offrir un nouveau bateau. Un de ses amis, Patrick, construit des hors-bords sur mesure. Il lui a proposé un modèle d'à peine 80 000 francs. Après tout, pour les vacances, c'est moins cher qu'un chalet à la montagne, argumente Gilles pour convaincre sa femme. Pourquoi pas, se dit Faustine dans un premier temps. Et elle accepte d'essayer un prototype. Patrick le leur fera essayer en surfant dans le sillage des bateaux de la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. Le jeu est si violent avec ses sauts et soubresauts que Faustine est terrorisée. Les bateaux sont énormes comparés à leur coque de noix. Elle reste stoïque, mais est heureuse de rentrer saine et sauve au port. Cependant, sa raison lui dicte de ne pas répondre aux sollicitations pressantes du cher Patrick. Leur situation financière n'est pas suffisamment stable pour s'offrir un tel caprice. Quand elle aura enfin un poste fixe, ou quand Gilles aura vendu sa maison, il sera toujours temps d'y penser. Malheureusement, dans un premier temps, son mari ne veut pas entendre raison et polémique sans fin. Faustine sait bien qu'il ne peut rien faire sans son accord, mais elle va tout de même jusqu'à prendre un rendez-vous en cachette avec sa belle-mère dans le but de s'en faire une alliée qui l'aidera à convaincre son époux. Mais tout ce qu'elle reçoit en retour est une remarque lénifiante. « Ah oui, je me disais aussi qu'il était un peu exalté. » Mais ce n'est pas grave, tu sais, ça lui passera tout seul. Ellie a pris le parti d'en rire, fidèle à son habitude de ne surtout pas s'impliquer. Heureusement, parmi leurs amis, tous se joignent à Faustine pour faire comprendre à Gilles qu'il ne serait pas raisonnable de se coller des dettes sur le dos jusqu'à la fin de ses jours, même s'il pense que sa sobriété retrouvée mérite une récompense. Il renonce enfin, à bout d'arguments. L'alerte passée, Faustine se remet au travail. Le mandat pour Glion se termine bientôt. On lui propose bien 2 postes chez Nestlé, mais ils sont d'un ennui mortel. Elle ne donne pas suite. On lui propose alors de travailler quelques heures par semaine chez un honorable vieillard, scientifique à la retraite, souhaitant mettre un peu d'ordre dans ses papiers. Et pourquoi pas? C'est toujours mieux que le chômage. Le vieux monsieur réside une partie de l'année à Corzo, un petit village situé juste à l'entrée de Vevey. L'immeuble ne paye pas de mine, mais avec cette vue directe sur le Léman, les appartements doivent coûter un saladier. Pour commencer, son nouvel employeur entraîne Faustine sur le balcon où il a installé une table et deux chaises, afin d'y travailler confortablement. En chemin, on traverse le salon, lequel est occupé à 90% par une maquette de train représentant la Suisse. Il y a tout, les lacs, les montagnes, les tunnels et des dizaines de trains qui roulent tous en même temps dans toutes les directions. Faustine est épatée. Les hommes sont de grands enfants tout de même. Pendant un bon quart d'heure, il lui montre fièrement le fonctionnement de son jouet. Puis elle s'installe sur le balcon où Faustine doit prendre une lettre en note. Elle n'en connaîtra jamais la fin, ni ne saura à qui elle est adressée, car le vieux monsieur s'endort au beau milieu de sa dictée. Lorsqu'il se réveille, il est temps pour la jeune femme de rentrer chez elle. Il la remercie d'un geste. La semaine suivante, le vieil homme lui demande combien de temps elle pourra lui consacrer cet été. « Tout l'été, je pense, » répond Faustine. « Mais si je pouvais avoir 2 semaines de vacances au mois d'août, j'en serais très heureuse. »« Et vous avez des projets pour vos vacances ?»« Je ne sais pas trop, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Je pense que cette année, nous resterons en Suisse. »« Vous savez, madame, il se trouve que je possède un appartement à Cannes. Il devait être occupé cet été par un de mes amis. Or, celui-ci s'est désisté à la dernière minute. Si vous le souhaitez, il est à vous. »« Sérieux ? Gratuitement ? Bien sûr, pour qui me prenez-vous ? Un menteur ? Oh, pardon, mais j'ai juste de la peine à y croire, ça serait trop beau. Merci, monsieur, merci beaucoup. C'est un magnifique cadeau. Surtout envers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Trop heureux qu'il puisse servir. Ma gouvernante vous donnera les clés. Moi, je ne descends pas tout de suite, il fait encore trop chaud. Je vous noterai l'adresse où la trouver la prochaine fois que vous viendrez. À la fin de votre séjour, je serai rentré, vous pourrez me rendre les clés chez moi. Et ne vous préoccupez pas du ménage, mes gens ont l'habitude. Il y a aussi le téléphone. Vous ne rembourserez vos communications que si elles sont très onéreuses. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous utilisons rarement le téléphone. Faustine chante à tue-tête dans sa petite voiture sur le chemin du retour à la maison. Le soir, elle saute au cou de Gilles en lui annonçant la bonne nouvelle. « Tu te rends compte, un appartement pour nous seuls, quasiment des vacances à l'œil. Quelle chance !» Gilles n'en revient pas. Très vite, il s'organise. On pourrait d'abord passer voir Jacques, mon ancien patron parisien. Il vit à Bruyères-le-Châtel. Il nous a envoyé des fleurs pour notre mariage, tu te souviens? Ça lui fera plaisir de me voir sobre. Comme tu veux, ma chérie. Et nous irons aussi visiter un vieux pote à moi qui vit dans l'arrière-pays par la même occasion. Le dimanche suivant, le jeune couple annonce la nouvelle aux parents de Gilles. C'est formidable, réagit Myriam, et en plus vous allez pouvoir assister au concert de Jean-Michel Jarre à la Pontaise, juste avant. Vous avez toujours les places que je vous ai offertes à Noël? Et comment? Le spectacle de Jean-Michel Jarre surpasse celui de Peter Gabriel, surtout en décibels. Faustine est fascinée par les mouvements de masse aux abords de ce stade, pouvant accueillir plus de 15 000 personnes. Tout ça pour écouter un seul Pékin. Ici, on peut se permettre des « oh là » à répétition. C'est joli et c'est marrant. La dernière fois que Faustine était dans un stade, c'était à Bâle en 1974. Et les « oh là » n'existaient pas encore. Subjuguée, elle se prête au jeu. D'autant plus volontiers que la star de la soirée se fait attendre et que ça occupe. Quelle arrogance! Quand il daigne enfin se montrer et bosser un peu, c'est pour se fiche de la tête des spectateurs, en répétant un nombre incalculable de fois pendant la soirée « Y'a pas le feu au lac !» Plaisanterie éculée qui ne fit rire que lui et dont il ne connaît même pas la signification, c'est ignare. Faustine est déçue. Heureusement qu'elle n'a pas payé les places, elle se serait sentie flouée. Le seul avantage de la soirée, c'est que le stade est à 2 pas de chez eux et qu'ils ont pu s'y rendre à pied. Demain, on dira à Myriam que c'était sensationnel. Inutile de la blesser, prétend Gilles. Faustine n'est pas tout à fait d'accord avec cette attitude, mais elle laisse faire pour cette fois. Depuis qu'elle fréquente les AA, Elle refuse de se servir du mensonge pour se tirer d'un embarras. Elle met un point d'honneur à toujours dire la vérité et à rester honnête, autant avec les autres qu'avec elle-même. Elle ne laisse plus rien passer de ces petits accommodements si faciles et traque la malhonnêteté dans les plus petits détails. Elle souhaite faire le ménage dans tous les domaines de sa vie. Ne jamais enjoliver, ne jamais romancer une situation, ne jamais maquiller la vérité. C'est désormais sa ligne de conduite et c'est loin d'être évident. Cela demande une vigilance de chaque instant. Le diable est dans les détails, paraît-il. Juste avant leur départ en vacances, Faustine reçoit l'appel d'une société basée à Saint-Sulpice cherchant une secrétaire de direction. Voilà qui semble formidable. Lors du premier entretien, elle est interrogée par un monsieur très intéressant, colonel qui plus est. Souhaitant se mettre dans les affaires, il s'est récemment associé aux autres membres du cabinet en apportant un carnet d'adresses bien fourni. Fern est un cabinet conseil en placement de personnel, autrement dit un chasseur de tête. L'entretien se passe plutôt bien. Faustine semble faire l'affaire avec son anglais impeccable. Rappelez-nous début août. Si vous êtes choisi, vous commencerez après les vacances. Tout semble s'organiser admirablement. Faustine est ravie. Si la réponse s'avère positive, elle aura enfin trouvé sa planque pour faire son bébé à l'abri. Désormais, il ne reste plus qu'à lancer les lessives, repasser le linge et remplir les valises. Le jour J, le couple prend la route en direction de Paris, roulant à l'inverse du flux des vacanciers. Ils sont seuls au monde sur la plus grande partie du trajet. Ils mettent un peu de temps pour trouver la sortie Bruyères-le-Châtel, mais ils parviennent finalement. Apparemment, la voiture n'a pas supporté le trajet car ils tombent en panne à quelques kilomètres de leur but. Et flop, plus moyen d'avancer d'en mettre. Ces engins électroniques, c'est nul. Pas moyen non plus de téléphoner. Ils sont au milieu de nulle part. Pour finir, une voiture s'arrête et embarque le couple jusqu'au prochain garage. Par chance, Gilles est affilié au Touring Club suisse. Si une assurance était utile dans son portefeuille, c'est bien celle-là. Après 2 heures d'attente, un très gentil dépanneur prend en charge leur véhicule. Ils effectueront les réparations, puis ramèneront la voiture à Genève. Pour obtenir un carrosse de rechange, Gilles et Faustine devront se rendre à la gare de Lyon. C'est un moindre effort, mais au moins leurs vacances seront sauves. À partir de là, il ne leur reste plus qu'à trouver Jacques. Évidemment, Faustine a complètement oublié la route à suivre pour se rendre au domicile privé de son ancien patron. De fait, autrefois, elle était rarement sobre lorsqu'elle était invitée et sa voiture connaissait le chemin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En conséquence, ils se mettent à la recherche d'une cabine téléphonique. Trouver le numéro n'est pas simple car Jacques est sur liste rouge. Finalement, après avoir appelé son bureau à Paris, Faustine connaît heureusement encore ce numéro-là par cœur, ils joignent Jacques qui vient les chercher. Le chaleureux Arménien serre Faustine sur son cœur à l'étouffer. Tout va bien, les vacances peuvent commencer. Le couple passe 3 jours idylliques chez les vieux amis de Faustine. Ils se reposent, bronzent dans le patio et rattrapent le retard de discussion des dernières années. Suite au départ de Maxime de la Prana, Jacques a vendu sa société pour 1 franc symbolique. Ses fils sont installés à Toulouse, où grâce à ses relations, ils ont retrouvé du travail dans l'aéronautique. Il ne lui reste plus qu'à vendre sa maison de Bruyères. Quand ce sera fait, il rejoindra ses enfants dans le sud. Gilles et Faustine avaient prévu d'aller chercher leur voiture de remplacement en train. C'est direct jusqu'à la gare de Lyon. Mais Jacques, ayant un rendez-vous d'affaires à Paris, il propose de les y conduire. Pauvre Gilles, qui vit alors la pire terreur de sa vie. Il est vrai que Jacques ne connaît pas les limitations de vitesse, que ce soit en ville ou à la campagne. Et cela peut effrayer les âmes sensibles quand ils roulent à 180 km/h sur les petites routes départementales. Ils arriveront cependant entiers à la gare, juste avant la fermeture des bureaux, et prendront possession du véhicule que le Touring Club leur a assigné. L'engin n'ayant aucune reprise dans les côtes, il ne risque pas les excès de vitesse pendant ses vacances. À Cannes, le couple se rend chez la concierge du papy scientifique et prend les clés de l'appartement promis. C'est un joli petit deux pièces, spacieux et lumineux. Heureusement que Vincent a refusé leur invitation à se joindre à eux, car il n'y a qu'un seul lit double et le canapé en osier n'est pas pratique du tout. Ce premier soir, le couple dînera sur un ponton surplombant la mer. La nourriture est excellente et l'ambiance friquée à la mesure du prix de l'addition. Cela pose les bases des 10 jours à venir. Gilles consomme à tour de bras pulls, chaussures, parfums, etc. sur la carte de crédit de Faustine, qui finit par l'imiter dans une sorte de rage autodestructrice, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se servent. À part les boutiques et le coup de téléphone à Fern, pour apprendre que Faustine est engagée début septembre, ils ne feront que stagner sur le sable et manger au club de la plage tous les midis. Quant à faire l'amour, on oublie, ce n'est pas ce soir qu'on mettra un bébé en route. Un point d'orgue cependant, ce spectacle pyrotechnique sur le thème du cinéma Paradiso. Faustine n'oubliera jamais ces feux d'artifice enchanteurs, ni ces images du film projetées dans la nuit cannoise, musique sublime en fond sonore. Philippe Noiret et le petit Salvatore Caaccio passant devant la lune sur leur vélo. Elle gardera de ce séjour à Cannes le seul souvenir de ces instants de poésie pure.